Désir, de Frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Désir. Vite, rouvrez vos yeux, ma vilaine dormeuse qui sommeillait déjà. C'est mal d'une amoureuse. Je sens que mes baisers ne sont pas refroidis sur ta lèvre où je veux en déposer encore. Car j'exige, en tirant, que la prochaine aurore te surprenne pâmée entre mes bras roidis. Sans doute tu rêvais, et tu suivais dans l'ombre quelque esprit enchanteur traversant la nuit sombre pour venir t'égayer en ton léger sommeil. Mais la réalité va dépasser le rêve. Quoi de plus doux qu'un songe heureux et qui s'achève pour laisser en fuyant un plus heureux réveil? Ta bouche, où tant de fois dans un joyeux délire j'ai bu la volupté, semble déjà me dire « Approche, viens, je t'aime !» Et déjà tes grands yeux respirent le désir d'une amoureuse ivresse. Ton cœur bat, ta main tremble, ô ma belle maîtresse. Mourir de tes baisers, là se bornent mes vœux. Fin de Désir, lu par Ezoie, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.